Vous écoutez Canal Sud de 92.2 FM ou Canal Sud.net. C'est actuellement l'émission Nuisance qui démarre. Quoi. Et en fond, on entend du bruit, c'est le vernissage. Donc si vous voulez encore voir les œuvres qui viennent d'être vernies ce soir dans les locaux de Canal Sud au 40 rue Alfred Duméril, 31-400 Toulouse, c'est le moment. voulez, vous pouvez ne pas venir à Canal Sud 92.2, perdre votre temps devant l'exposition de vide. L'exposition de vide intersidéral actuellement proposée dans la salle de Canal Sud. Par contre, tiens, je vais faire une annonce. Le mercredi 12 juin 2013, collectif cinéma de Canal, Ciné Club de Canal Sud vous propose le mercredi 12 juin 2013 l'Aura d'Otto Preminger. Je sais même pas qu'est-ce que c'est. Et voilà, c'est un film en noir et blanc. Asses, we hate each other, let's fuck. Yes, that's what it's all about. It's about fucking each other in the asses. We fuck. Shit. The cunt fucking wipe ass cunt licking of an asshole fuck is the kind of shit you gotta hear every time you listen to nuisances. You gotta listen to the shit fuck cunt pussy wipe ass licking shit stream of a fucking asshole bung. I admit it's always the same thing, it's never gonna change. It's just the same old shit, over and over again. C'est toujours la même chose avec toi. Toujours la même chose, c'est chiant à mourir. Bientôt on va crever, tu sais. C'est pas le moment de me le dire. Ah, parce que franchement, y'en a marre. Je veux pas comprendre. Je veux pas te comprendre, j'en ai rien à foutre. J'ai autre chose à foutre que ça. Moi je vais plutôt me masturber en pensant à mon micro dans le cul. Ouais, chouette, un micro dans le cul, c'est cool. L'émission qui nuit au sens. L'EP est égal à MG, donc le poids est égal à la masse multipliée par la gravité, la force gravitationnelle, donc les corps qui s'attirent entre eux, quoi. Newton. like there's nothing else than that, you know. Pits of Hell is like fucking, it's cool. It feels like shit. Fiery hell in your asshole, fuck. It's like fucking the ass all over again. It's like you're discovering something new, you know? Like discovering shit all over yourself and blood and cum. And you're waking up and you know you've done nothing wrong. You're stupid, you're fucked up, you're full of shit. Listen to nuisances. This is what it's about. Stupidness. Fucking shit. Et comme je disais en anglais, je vous disais, nuisance, c'est à propos de la merde, de la baise, du foutre, et du sang, plein de sang partout, sur ton corps, foutu de merde. Couvert de merde et de stupre, tu te rends compte avec stupeur que t'es foutu dans la merde, tu t'es foutu dans la merde, même que t'es foutu dans la merde, par toi-même, et que t'es qu'une merde, tu vas crever comme une merde, parce que t'es qu'une merde, et tu pues la merde. Nuisance, c'est la merde, nuisance, ça pue la merde, parce que l'encul, c'est ça qui est bon, l'encul, c'est dans le fion. Ouais, des paroles et tout. C'est ouais, cool. Des mots, plein de mots. Moi, j'ai plein de mots. Et ceux qui disent que les mots, c'est rien, c'est des imbéciles. T'as vu? Alors, le fion dans l'anus qui pue. Oh non, c'est bon. Ouais, c'est cool. Ouais, j'aime bien fionter parce que fionter, c'est bon. Ça donne envie de baiser le cul, quoi. Le cul d'un chien ou d'une vache pourrie qui pue la merde. Et tu peux avoir des champignons après sur la bite, tu les bouffes et ça devient si sollicible que ça les jette. T'es dans la merde, mon gars. Tu comprendras jamais rien à ce qui t'arrive. Parce que ce qui t'arrive, c'est rien. Et c'est justement ça qui te gêne. Parce que toi, t'es quelque chose. Presque, on dirait de la poésie. Ah, putain. C'est de la poésie, c'est la poésie des mots. Les mots M-A-U-X, le mal, c'est bon. Le mal, le plus on en a, le mieux on se trouve en soi. Non, arrêtez le djembé. Arrêtez le djembé. Arrêtez le djembé. Arrêtez tout, arrêtez le djembé. Because fucking sucks. Et vous êtes de la merde, vous êtes des enculés parce que vous dites rien. Et vous faites que dalle. Alors moi je vous encule parce que moi je suis tout. Que moi dans mon monde y'a que moi, tu vois. Les autres ils sont morts, ils sont cadavéreux. Et ils puent l'amiante. Comme le cul aussi. Et ils puent le fion parce que l'humus rectal ça suinte. Ça suinte par les pores de la peau. That's what it's all about. It's about the fucking and the shit and the cunt wiping, ass licking, fuck cunt pussy of a shit fuck wipe, ass bung. Mommy, daddy, fuck you. fuck each other. Baisez-vous les uns les autres, maman, papa. Vous êtes que de la merde, je vous encule. Ouais. Et pour ceux qui vont en boîte, là, tout de suite, et qui ont rien d'autre à foutre de leur vie que prendre de la coke, eh ben, je vous encule. Et pour tous ceux qui vont en boîte, là, et qui prennent des tasses et tout, eh ben, je les encule. Parce que Peace and Love, c'est pour les bites et les chattes, c'est tout. Et le cul aussi, le trou du cul, quoi. Qui pue la merde. Les bitches à cul qui puent la merde, et ben c'est vous. C'est vous les gens qui vont en boîte, qui puent de la gueule. Parce que vous buvez trop d'alcool. That's what it's all about, the cunt fucking wipe ass licking of a fucking bunghole. Up your ass. All the way down. Down. Yeah, and that's what it's all about. It's about the fucking ass cunt wiping ass fucking of a licking ass bunghole and the ass wiping fuck. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Donc, bonsoir, je m'appelle Al. Je suis alcoolique, comme mon nom l'indique, et je voudrais me présenter. Al. Salut. Je suis bucolique aussi et psychocolique à mort. Et vous? Et moi, c'est colique. D'accord, cool. Oh, hic. Et toi? J'ai hic-hic. Ok, ben hic-hic, bienvenue parmi nous, quoi. Et je vais vous passer de la musique, de la belle grande musique pour mon fion. Et si vous voulez parler, vous n'hésitez pas. Donc, tu me disais quoi? Je te disais quoi? Ouais. Ouais, je te parlais d'une émission qui s'appelait Smash Media il y a quelques années, ici, à Canal Sud. Et voilà, c'était le lundi entre midi et deux, après ça a été le mardi entre midi et deux, et au final ça a été le mardi à partir de 19h. Et en fait, on tchatchait sur l'actualité médiatique. Et on faisait des débats, des dossiers aussi sur le sécuritaire, sur les médias dominants, etc., etc. Les médias dominants? Les médias dominants. Ouais. Qu'est-ce que c'est la définition d'un média dominant? Oh là. Alors je voudrais dominer dans le média, donc si c'est possible de parler fion ce soir, ce serait vraiment cool. Parler cul, parler fion? Non, parler de mon fion. De ton fion? Non, ça m'intéresse pas trop. Bon, on va parler d'un fion en général, du fion, si tu préfères. Du fion, du cul? Alors le non, fion. Non, pas le cul, le fion. Le fion. Le fion, vraiment. Le fion. Si, tiens. Pas l'ancien Premier ministre, hein, François, hein, pas François Fillon. Non, on n'a pas le droit de dire ça parce que c'est critiqué, c'est un jugement qu'on Fion. Porte sur François Fillon et on n'a pas le droit de dire Fillon. Non, ça va être sympathique, on va l'appeler Fion Fion. Ah mais voilà. Attends, mais il n'y a pas de censure là. Si, il y en a, c'est moi le censeur. Ah merde, ici. C'est lui le censeur. Voilà, donc on a le droit de parler de Fion en fait ici. Mais maître c'est tout, censeur, hein, on a le droit de parler de Fion, c'est tout. Un bon Fion pour moi. Ouais, carrément, vas-y, je t'écoute. C'est un Fion purulent ou un peu rouge? Un fillon. Non, ni l'un ni l'autre. C'est quoi? Un bon fion, c'est un fion bien ferme. C'est cool. Bien appétissant. D'accord. Ouais, bien dodu, quoi, un peu. Un peu dodu. Un peu avec des rondeurs, quoi, parce qu'il faut de la chair là-dedans. Avec des rondeurs, bien sûr. Il faut de la chair. Pas trop. Et surtout avec des chairs fermes. Moi, suffisamment de chair ferme, moi, c'est ça. Ouais, c'est voilà. Ce que j'ai envie de dire. Ouais, d'accord. Ça donne vachement envie de participer à cette émission. D'accord, femme pardon. Qui m'entendait, bien sûr, oui. Ah, mais on se retrouve un peu prise au piège. Femme qui nous entendait, j'aimerais bien savoir. Quelle est votre définition d'un bon fion masculin? Bah, faut demander aux femmes, quoi. Mais alors, je m'adresse à la en femme. Fait, je crois qu'ils sont amoureux parce que quand ils posent la question, ils le regardent droit dans les yeux. Ouais, alors, bah, femme, mais... non, quelle est ta définition du fion masculin? Voilà, c'est ça. Et parce que en fait, ils s'aiment. Notre amie Al est une femme, en fait. Salut, je m'appelle Al. Moi, ce que j'aime, c'est le fion des mecs parce que je m'appelle Sao. Ouais, je peux triturer le fion des mecs avec le bout de mon ongle que j'ai limé ce matin. Et j'ai de la merde sous l'ongle et après je le racle avec la dent. Et c'est bon, j'aime bien ça, je suis une femme, salut. C'est très intéressant, ma foi, amigo. Bon. Alors, notre amie Kiki, a-t-elle quelque chose à dire? Pas grand-chose. Donc cette fois-ci, je te regarde dans les yeux. Mon ami Kiki. Car oui, tu es une femme, et sur la thématique que notre ami Al nous a proposée, qui est le fion, on n'est pas obligé d'accepter, on peut refuser. Qui est son fion, enfin, on peut. Qu'est-ce que t'en penses? On zappe carrément zappé. On peut continuer. Après, moi, j'ai pas grand-chose à raconter dessus, mais si ça vous plaît, alors moi, d'en je vais discuter vous... davantage, vous pouvez. Moi, je vais vous raconter. Pas me gêner. Moi, je vais. Alors, je sais pas. Moi, je vais parler d'un truc plus sérieux. Ah merde. Qui est en fait tu veux du pinard? Oui, je veux bien un petit peu de excellent vin, ouais. C'est très bon sujet ça, ouais. Alors sérieux, le pinard, sérieux, attention. Un bon fion et un bon pinard, rien de tel. Et d'abord le fion, ensuite le pinard, ouais. Et non, mais je vais vous parler d'un truc qui s'appelle voyage en hétérotopie. En quoi? En hétérotopie. Hétérotopie. Ouais, et ça n'a rien à voir, ça va rien à voir avec le mariage pour tous, hein, je vous rassure. Hétérotopie, ça veut dire quoi, le mariage? Bah, le mariage pour tous, quoi. Non, le mariage, c'est quoi? Du mariage, des enculés, les mariés. Bon. Ouais, carrément. Hétérotopie. Ouais, hétérotopie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est le néologisme qu'avait inventé Michel Foucault, le philosophe. Qui veut mais en face du micro, c'est intéressant. Qui veut dire. Hétéro, ça non, veut dire. Parle à côté, ouais. Ça veut dire autre. Refuse l'autorité, quoi. Ça veut dire. Patriarcal. Refuse la culture, refuse le cul. Anarchie. Anarchie. Ouais. Inarashi in Toulouse. Anarchy in Toulouse. I am an anarchist. I am an antichrist. Don't know when I want that, I know I will get it. I wanna destroy passes by, cause I allez-y, allez-y. Wanna be Fred Flintstone. Yabba-dabba-doo. Anarchy in the UK. Donc, on en était où? Une bedrock. Ton néologisme. Ah ouais, alors hétéro, ça veut dire autre, comme vous le savez. Ah, je croyais que ça voulait dire plusieurs. Donc, non, autre. Hétéro, ça veut dire autre. Ouais. Donc, hétérosexuel, l'autre sexe. L'attirance pour l'autre sexe. Comment on dit limé? Comment on dit limé en latin? T'as trouvé du vin blanc? Non, c'est de l'eau. J'aimerais parler de lime. Non. Bon, on est à l'antenne. Bon. Ça craint, faut pas qu'on parle d'antenne quand on est à l'antenne. Faut qu'on parle de limer ou de boire faut du vin blanc. Faut parler d'escargot. Ou d'escargot. C'est un code. Des escargots aussi. On est à l'escargot là. L'escargot. On est à l'escargot là. Fais tourner l'escargot. Il y a de l'avocat de pomme, il y a de la vodka pomme qui est arrivée à l'antenne. Y a pas de ah putain, pomme. C'est pas de l'eau en plus. Y a pas de pomme, y a que des juteux ici. Alors si je peux en placer une, je vais vous parler de. Non. De voyage en hétérotopie. Ouais, j'en ai hétérotopie. Ouais, vas-y, continue. Donc hétéro, j'ai dit hétéro, ça veut dire différent. Autre. Topie, topos, du grec topos qui veut dire le lieu. D'accord. Donc hétérotopie, autre lieu. Autre en lieu. En plus, il y a le canari, terme voyage. Canari. Donc un voyage hétérotopique, c'est un voyage dans d'autres lieux. Si on a bien compris, Jean-Claude. Absolument. Mourir. Absolument, absolument Gertrude. En plus, avec le casque, ça fait trop. Alors Gertrude est un mutant. Mourir, Gertrude c'est est un mutant. Mourir, c'est bon. Il est bon de mourir. En fait, qui se situe dans le courant du troisième sexe, ce qu'on appelle le troisième sexe. C'est-à-dire que c'était un homme autrefois et c'est une femme aujourd'hui. Mourir l'horreur. C'est un transgenre, ce qu'on appelle. Mourir la mère. Voilà. Bon, ça, c'était pour la mise. C'est ton point de vue. Mourir la pianteur. Laissons la parole au transgenre. Mourir l'humain. Laissons la place en au tant que transgenre, pour la minute information, je voudrais dire qu'en Inde, il existe un troisième genre inscrit sur les cartes d'identité de tout un chacun. Il y a le mâle, la femelle. Bon, on dit mâle. Non, femelle, non, il y a le mâle. Non, il y a le mâle. Non, il y a la femme. Si, il y a le mâle, il y a le mâle, il y a le bien. Oui, non, mais oui. Non. Idiote, il est trop tard, tu as sombré du côté obscur continue, de la force. Continue, non, continue, non. Et il y a un troisième sexe transsexuel, c'est trop hallucinant quoi. T'as dit genre idiote, sur ta carte hein, d'identité. T'as osé dire idiote ? Hein ? J'ai pas dit ça ? Ah, j'ai dit oui, idiote, il est trop tard, ouais, tu as sombré du côté obscur. Connard non, de ta c'est pas à toi que je parlais, c'est un texte d'Ayam. C'est Ayam. Parce qu'il parlait du mal et côté obscur. On va pas se battre, tu veux qu'on se batte. Va te faire enculer, connard Taras, excellent. Et si on parlait d'aller se faire enculer, connard Taras, les gars. Les gens. Va te faire enculer, connard Taras. Va te faire enculer, connard Taras. Ouais, on a une animatrice première dans Va te faire enculer, connard Taras. Et va te faire enculer, connard Taras. Ouais, tape des mains, ouais. À la clé, va te faire enculer, connard Taras. Tout le monde s'éclate. À la clé, va te faire enculer, connard Taras. Va te faire enculer, connard Taras. Va te faire enculer, connard. Va te faire enculer, connard Taras. Bon, vous savez quoi, il y a un très bon concert. Il y a un très bon concert ce soir au Bohème. Va te faire enculer, connard Taras. Il y a un truc au pavillon aussi ce soir. Va te faire enculer, Taras. Au pavillon sauvage, 40 avenue Jean Dagneau. Mais qu'est-ce qui t'arrive là? Pourquoi est-ce que tu donnes des infos de soirée? Tu parles à moi là? Ouais. C'est juste parce que c'est à côté. Hein. Au Bohème, il y a un concert là maintenant. Mais je le dis pas parce que. Tu veux qu'on arrête de faire l'émission de radio et qu'on aille au concert, c'est ça? Ah non. Moi perso, je risque d'y aller dans pas très longtemps. Oh le salaud, lâcheur. Je vous abandonne. Traître. Je vous abandonne. Judas. Va te faire enculer, connard Taras. Va te faire enculer, connard Taras. Va te faire enculer, connard Taras. Ouais. Et tout ça pour Chroma qui a dit une connerie tout à l'heure en citant Ayam quoi. Merci Chroma, Chroma Ritva quoi. Toujours. T'es T'es vraiment qu'à sale macro, quoi. J'aime faire l'amour avec les micros, poser mes lèvres, caresser la mousse verte. Mais tu sais, c'est pas nouveau, hein. Déjà, comment il s'appelait Comment attends, un quiz là. La chanteuse qui chantait Acid Queen, comment elle s'appelle? Eh bien, téléphonez au 05 61 53 36 95 si vous connaissez la réponse, le 05 61 voilà. Non, mais je viens de trouver. 36 95. Je viens de trouver. 53. Hein. Tina Turner. Dans Ike et Tina, elle avait un jeu de scène où elle faisait l'amour avec le micro. Je sais pas si vous avez capté le Tina truc. Tina Turner. L'amour avec le micro. Ouais. Michael Jackson, il fait elle quoi elle faisait micro. Des trucs très sexuels, du genre. Tu vois, comme ça et tout. Ah ouais. Refais-le pour voir. Une femme battue. Ils se plaisent les deux là. Il y a communication. Si vous voulez avoir une émission filmée, je pouvais envoyer un SMS tout de suite, surtaxé à 95 euros. Je peux pas te le faire en te regardant dans les yeux, c'est pas possible. Bah non. Regarde-moi dans le fion. Quel bon échange. Ouais. Tu peux y aller, vas-y, c'est moi qui suis vraiment censeur comme gars. C'est moi qui suis censeur, faut mettre les casques les gens. Oui, mais ils disent que ouais. T'es trop déjanté. Non, c'est pas vrai, je suis pas trop déjanté, je suis suffisamment déjanté quoi. Mais tu l'es totalement, et moi non, aussi, pas totalement. Si, ça peut être un peu perturbant pour des nouveaux, etc. Si, des nouveaux en quoi effet, bah, des novices. Des nouveaux morts bah, tu m'entends pas, mec? Tu m'entends pas? Non, parce que tu mets pas les... Mets le casque, il te parle. Ouais. Bon. Tu voulais parler quelque chose de sérieux? Vas-y. Politiki. Vas-y. Sociologie. Non, rigolo. Vas-y, parle. Fliki. T'inquiète pas. Moi, je me marre, mais je suis là pour me marrer. Hey! punch. Kill everybody now. Let's kill each other. Tuons-nous les uns les autres. Vive la mort. À mort la vie. Vive le lait. Vive les moches. Papier qui est pas plié pour se le foutre dans le cul, c'est mieux. Et si on faisait du papier plié? Moi j'adore ton t-shirt de Jimi Hendrix. Moi aussi j'aime mon t-shirt à poil de Jimi Hendrix qui pue. Qui pue toujours. Et si on faisait du papier pas plié sans t-shirt de Jimi Hendrix? Et si quand je mets un t-shirt, je sens bon parce qu'il est propre mon t-shirt? Et si on se mettait tous à poil? Et si on le faisait pas? Et si on faisait semblant qu'on le faisait? Regardez, on est tous à poil, regardez ma bite, elle est belle. Hein. J'ai une belle bite. Oh ouais. Faisons fantasmer les auditeurs qui ne sont pas là ce soir d'ailleurs. Canal Sud est un centre pour nudistes. Vive la nature. Canal Sud est un centre pour nudistes. Non, c'est nuisance plutôt, on va dire. Canal Sud est un centre pour nudistes. Smash les médias. Non, là je censure totalement, c'est là, pas Canal Sud, c'est nuisance. Canal Sud est un centre pour nudistes. Là, tu censures. C'est quoi ce son qu'on entend? Quel son? C'est pas du cresson. Parlez fort, hein. Si vous venez d'arriver, c'est Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. C'est l'émission Nuisance, l'émission qui nous sent, c'est l'émission de toutes les nuisances. Je vous dis pas où c'est, mais samedi 8, il y a une leçon de fabrication plus sur la place. J'aime bien couper les gens qui parlent, mais pas exprès. En fait. Je ne saurais plus en me rassembler qu'à venir de présage de tortures et de pierres qui rouleraient sur une direction optimisée par la trajectoire obtuse d'un milieu plus ou moins acceptable. Et là-bas qui me dit, j'en ai rien à foutre. Comment elle peut me dire ça? Alors que moi-même, je n'ai rien à foutre. Ce n'est pas possible. On ne peut pas discuter de choses qui n'en ont rien à foutre avec des gens qui n'ont rien à foutre. Ça, pas foutre, je veux dire. Et donc le mec, il me regarde de travers et moi je lui dis non, c'est pas possible. Ça va pas être comme ça qu'on va le faire. Il faut d'abord que tu prennes mon fion avec ton doigt. Et ensuite tu le grattes avec ton ongle. Et tu triffures la merde sous l'ongle. Et après c'est bon. Allez, Francky, c'est bon. Récure-toi l'ongle sous le haut. La merde. Allez, Francky, c'est bon. Récure-toi la merde sous l'ongle. Ouais. Allez, Francky, c'est bon. Récure-toi la merde sous l'ongle. C'est super. C'est super, il y a de la poussière ici. Il y a trop de monde qui fume ici dans le studio. Ça fait de la poussière sur les machines. Et on en a rien à foutre parce qu'on est des gros cons. Et c'est à ce moment-là que le mec il me dit va te faire foutre. Et moi je lui dis d'accord. C'est fait. Je me suis fait foutre. Oui, oui, oui. Et t'aimes bien parler tout seul aussi. Un aspirateur. Non merci. Mais vous ne connaissez même pas le bruit de l'aspirateur. Sale chat, sale chat, sale chat. The baby's going down. Ah ben le revoilà lui. The baby's going down to hell. Il fait comme s'il s'en va et en fait il revient. The baby is dying, it's rotting in hell, it's rotting. Et en fait il revient seulement pour bébé, boire un coup. C'est la nature humaine ça. Le bébé pourrissant dans la fiente. Tu vois genre, je suis là mais je m'en vais mais en fait je reviens parce que j'ai besoin de boire. Intransigeationnel. Intransigeationnel. Intransigeationnel. Nature humaine, perfide. Perfide. Imprécié. Un précieux Marseillais, mon savant qui me nettoie, qui dessous de toute matière grasse, dégénante et gênante face à la propreté mondiale. Et nous sommes tous des bulles qui flottent sur des vagues déferlantes de la notoriété. Du comportementalisme actuel, il y a des sociologues qui vous observent. Vous n'êtes pas un numéro, vous êtes un homme libre. Pas un numéro, vous êtes un homme libre, libre, libre, libre, heurté, indéfinissable de contexte, de divergence et d'opinion, des phrases incongrues et dans aucun sens. Je m'en vais. Je m'en vais. Donc, petit elfe, tu vas te retrouver seul dans la forêt, sans mère Sophie, grande prêtresse des arbres bénéfiques, etc. Donc, je te laisse entre de bonnes mains pour que ton chemin se passe au mieux. Je prends le micro à pleine main. Prends-le, oui. Mais ne l'avale pas. Ah oui, je le secoue sur mon visage. Pas trop. Vous êtes trop cons, les garçons. Franchement, les nanas qui nous écoutent, mais là, il faudrait voir la scène, quoi. Mais personne ne nous écoute, tu nous dis tout à l'heure. Vaut mieux même pas la décrire. C'est que des hommes, c'est viril. Et c'est pour le respect de l'autre sexe, c'est des différences, bordel. De toute façon, il n'y a personne qui écoute. Il n'y a personne qui écoute, mais pas même pas un mâle ni une femelle. Tout le monde s'en fout, quoi. C'est pas non, c'est faux, justement, parce que c'est ce que je disais cet après-midi. Là, j'en parlais parce que Saoud, c'est un pote à moi. On bossait ensemble à Archipel pendant 2 ans et demi. Et j'en parlais avec d'autres personnes, mais détrompe-toi. Il y a plein de gens qui écoutent, en fait. Eux, ils écoutaient. D'accord, ils écoutent Nuisance. Oui. Et moi, je dis, putain, j'ai participé 2 fois à cette putain d'émission. Ça me plaît énormément. Ça, c'est rigolo. Et ils me disent, détrompe-toi, nous on écoute. Un de ces quatre, il faudrait amener les instrus. Quand t'as un boulot et tout, t'es directeur. Oui, je sais pas le micro. Comme tu me l'avais proposé, comme tu me l'avais proposé il y a longtemps. Voilà. Il faudrait amener les guitares et faire du son à l'antenne. Oui, ouais, mais pourquoi pas. Ça, c'est une soirée à thème. Nous, voilà, on essaie de concevoir le néant comme faisant partie de tout un chacun. C'est vrai, nous, alors, c'est quelque chose. Vive le néant et vive l'immensité bleue. On va y toucher les micros après tout. Bleu, apparemment, le bleu t'a marqué. Tu aimes cette couleur. Bien vu, mais. Bah oui. La mer. La mer noire. Mais la mer rouge. Mais tu connais, toi, la mer bleue autres, mais... La mer bleue, ça existe pas, la mer bleue. Non. Oui, noire, rouge, morte aussi. Méditerranée. À la prochaine, ouais. Vous allez à l'eau, ouais. On va parti, enfin, il nous laisse la radio et cette bizarritude qui vibre. Bon, et l'autre avec son fion, il s'est cassé, très mieux. Ouais, c'est un très mieux, c'est vrai. Parce que les figures rhétoriques, ça va. Hein. Oh, qui c'est que tu traites de figures rhétoriques, là? Mais notre producteur aimé. Auditeur, je vous conseille de changer la radio, car... Et embouteillage. Oh là, tu manges quoi? Des carambars? Quoi? Tu manges quoi? Viens voir. Mais non, mais tu peux le dire à la radio, c'est fait pour. Ouais. À ce qui paraît, la radio... Des fruits secs. À ce qui paraîtrait, la radio, c'est retranscrire l'image avec des mots. C'est des conneries, les gens. Ah, des caca tièdes. Cacahuètes. Bah, caca, tu sais que cacahuètes, c'est caca tiède. Donc tu... Non, humide, pardon, le caca humide, cacahuètes. C'est un fruit, le... Tout ça, c'est des fruits. Tout ça, c'est des fruits qu'ils ont piqués au noir. Il y a des arachides. Il y a des bananes. Il y a des maïs. C'est du fruit. Tout ça qu'ils ont piqué au noir. Moi, c'est de la céréale, mais bon. Maïs, ouais. Les haricots, c'est pas des céréales. Ouais, ouais. Les wachichis, c'est des. Ouais. Il y a des noix de cajou. De blues totalement classique. Et je me suis surpris à chanter juste. Ils ont à parler juste. Et même qu'on aurait dit Philippe Catherine, c'était trop beau. Je m'aime. Super. Bah apparemment je suis pas le seul, parce que je pense que mon collègue de tablé là, il doit s'aimer. Mais alors notre producteur, lui, il cultive sa mésestime comme une espèce de comme ça de râle prégnant qui l'absorbe et le détend. Donc, tu vois, je fais même comme les rappeurs, je fais du la rime. Yeah yeah. J'aime la manifestance des mots. c'est oriental, t'as vu. Il nous a pas tout fait, les tours. C'est du rock'n'roll. Oh, Ziva, t'es pas allé en Andorre, t'es allé à Bamako, quoi. La batterie bamakonienne. Ouais, comme ça, c'est bon, ça, avec de la reverb. Ouais. Ouais, comme ça, c'est cool. Ouais. Ouais. Je sens mon anus se dilater, ma mère dégoulinant le long de mon côlon, et mon côlon qui vibre au grincement de la musique. Pourquoi t'as baissé? Pourquoi t'as baissé? C'est du bruit, c'est du bruit, c'est nuisance. L'émission qui nuit au sens. Quel artiste. Ah, c'était beau, hein. C'était bien fait, hein, quand même. Ah ouais, ouais, ouais, ça c'était avoué, beau. Quoi. Mais ouais, mais c'est ça qui fait chier et tout. Normalement, c'est nul, normalement, la nuisance. Alors l'autre, maintenant, il se met à faire les têtes. Oh, il laisse les yeux comme ça quand il se met. Il baisse les yeux comme une espèce de consentement. Ouais, suce-moi la bite, salope. Ah, je suis une salope, je suis une grosse vache. J'aime bien, je veux crever, quoi. J'aime bien aussi ça. Du péché, serre et cher partisan d'une foi objective et construite, vous qui avez lu le livre, vous qui savez, qui avez vécu, vibré dans la fraternité et l'ignorance de la foi. Une foi aveuglante. Je ne sais rien et j'ai réponse à tout. Je ne sais rien et je fuis le tout. Réponse. Une partie de ping et de pong. Une table longue. Une balle qui vole au gré du vent. Un chaos omniscient. Les mots ne sont que des ondes. Ces vibrations, toutes ces molécules qui nous transpercent et nous parcourent. Vas-y, envoie la purée. Envoie le signe qui doit nous repaître, nous défoncer l'esprit. Je laisse l'anus à notre boss. Vas-y, envoie la purée. Que le polystyrène jaillisse de toi. De court ou de long. Que la pomme de terre soit. Fécule, viens. Suis-moi. Le chemin. Réduire. Réduire le possible à l'impossible. C'est dire. C'est penser. Le bras coulant. L'esprit divagant. Sinon, yo pienso que George Orwell. Non, non, non, non, je pensais aux, comment, aux échecs. Parce que moi, je préfère jouer aux dames que jouer aux échecs. Ah, c'est super. Je préfère les réussites que les échecs. J'ai envie de dire, c'est super bien. Cool. Et il faut assumer les parts d'ombre qu'il t'habite. Je suis pas breton. En payant un loyer. Modéré. Un loyer modéré de préférence afin de te laisser t'oublier dans ton désespoir. Et dans ton disait cul. Et même que fion. Avec d'abord. Cela, nous pourrions faire un but et marquer le sens de la vie. Les pousser, oh. Les poneys, les tomos. Les tomos. Quel? Les tomos de manana fuerte. Quer miers. Con series. Quien. Quien. Andando. Manifut. Por la calle. Con vergüenza y este sentimiento pesado que requiere toda mi atención. Quoi? Todos fuimos. Ah, je sais pas, tout sera quoi? Voilà, vas-y, tout sera quoi? Fion, allez, vas-y. Todos fuimos joven. Fion, ouais, c'est muy bon. Joven. Muy fion, ouais, beaucoup. Muy beaucoup. sociales. Arreglar el piso. Buscar, mover, huir. Je voulais répondre à notre question, c'est est-ce que les alcools blancs rendent plus agressifs que les alcools bruns? Donc vous pouvez appeler au 05 61 53 36 95. Oh les pâtes à casois. écoutez Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net, c'est l'émission de Nuisance avec Chroma, quoi, qui mixe Fruity. Ceux qui vont pas en boîte, et ben voilà, vous avez la boîte chez vous, quoi, vous pouvez danser. C'est cool, non? Thank you. all gonna die. Vous écoutez Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net, c'est Nuisance, l'émission qui nuance, c'est l'émission de toutes les nuisances qui vous enculent. la mort de l'âme. N'oublions pas que baiser ça pue la merde. Ah. Thank you. feels like shit, don't it? Feels like shit. La merde. Ça pue la grosse merde. C'est nous la merde. C'est nous la grosse merde. Pour toujours. Jusqu'à l'enfer. De la vie. À mort la vie. Vive la mort. Vive le paradis. De la mort. À mort l'enfer de la vie. Flash est trop puissant, faut que j'aille avec le flash. Ouais. Pour vous expliquer, pensez à l'enfer de la vie et voilà quoi, c'est expliqué.

pute ici. C'est le son de pute. Oui, c'est ça. Est-ce que tu sens ton corps qui te faille? Une odeur étrange qui se dissipe dans l'atmosphère. Une sainte transpiration. Bon, pour toutes les gens qui sont en boîte là, qui nous fait enculer, les gens qui sont genre heureux et tout ça, tu sais, je les encule. Tous les gens qui dorment, pareil. Tokyo, sur le métro.